Ils se rappellent de moi comme Vegeta, mais ils t'en parlent comme un pourri. Je suis arrivé dans ce game et je les ai hagal comme un gorille. Premier CD, il est doré, hein. Il est doré, hein. Le cercle est fermé et censuré comme la Corée, hein. C'est loin l'époque où j'allais sur YouTube pour suriner. Des prods aujourd'hui, j'en reçois 250 sur email. Désactivé, des futileux. T'as promis de plus t'y mettre autant que ce clan d'eau avait promis de plus se mutiler. Mais tu te sens pas utile, aucune fleur à butiner. La fin du mois, c'est pas très net. De toute façon, t'es habitué, tu te fais fumer, c'est pas marrant. Tupac Shakur Amaru, pour la suite, t'es pas préparé. Père de famille au cabaret. J'ai que ma parole, j'ai que ma daronne. J'suis pas parrainé par le patron d'art, le CAC 40. Tu sais l'histoire est pas marrante, joue pas un rôle. Larguer les amarres, la salle à nous vient du Camaro. On partage ma canette, donc prends mon gun et puis mon casque à rail. On se met dans les problèmes pour une parole, ben ouais c'est pas malin. Me dis pas que t'as peur, que c'est pas l'heure, ou bien que t'as pas l'âge. Tu cherches l'amour, ici y'a pas de câlin. Apprécié par les paroliers parce que j'suis minutieux. Respecte les délais, ramène la cam de Minassian. La précision, j'l'ai dans les veines, je finis le verset. J'les baisse recto verso, ça fait 1 minute 27. Papa m'apprend les versets. Faire confiance à personne me conseille de me faire solo. La haine que j'ai déversée m'a fait plus de mal à moi-même. Aujourd'hui, j'ai la tête sous l'eau. Confidence rebeu, je me sens seul. J'ai pris l'escalier parce qu'il marche pas dans mon sens. Eux, ils ont pris l'ascenseur. Moi, ma chance, c'est que je les découpe en freestyle devant toute la France. Je veux pas de récompense, non. J'y pense, frère. Des fils de pute me sondent pour savoir le fond de ma pensée. Mon cœur a des pansements, des grosses peines. J'ai plus d'amour aujourd'hui, j'en ai trop dépensé. C'est qui on est, on vit, on meurt, l'ambiance est mauvaise. J'accumule ces millions de vues et tout ce mauvais œil. Les miens ont maigri sous les coups, les vôtres sont obèses. Pas de compte en Suisse, des comptes en Suisse, il faudra compter seul. C'est des potes, ça dépite, ça vient des buts. Ça surveille son compte épargne, j'fais ma vie à santé coûter. Sans un diplôme de débuté, quand les crimes me sont imputés. Pas de putain d'immunité pour maman. Le bif c'est pour moi-même ou pour les miens. Je sors d'une cuite dans la cité, qu'on m'acclame, qu'on m'insulte. J'ai pas attendu qu'on m'incite quand mon avenir prend la fuite. Les vautours en file, indiens, ils veulent un fit. Ils veulent ma bite, ils veulent ma vie, gros village. Sois pas choqué, on reste froid pendant que nos parents taffent. Mon petit frère est dans la street sans l'accord parental. Tu sais c'est pas bon d'exposer tout ce que tu gardes en toi. Je vois que tu crois en moi, ça fait 2 minutes 43. J'ai déversé ma colère, maintenant je vais faire un collage. J'sais plus quoi trop écrire, alors je dédicace mes collègues. Tu veux la thune, sois honnête, pourtant t'es qu'un pauvre connard. Tu souhaites le malheur aux autres et tu n'espères pas le connaître. Ah non, faut pas déconner, faire des hits comme Billie Jean. J'commence le taf à midi, je le finirai à minuit pile. Toujours avec minutie. J'encule la prod, ça fait 3 minutes 6.